بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. خطنا في جمل الصوم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc là, on arrive à la fin du kitab de Nawakid al-Wudu. Il reste deux derses, après on aura fini, inshallah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث وسبعين عن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وعنهما بل عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان ومعلول. وصلوا عبد الله ابن أبي بكر pourquoi il a dit Abu Bakr et pas Abu Bakr؟ عن عبد الله ابن أبي بكر. أيوة. أيوة. المضاف إليه دو ابن. Donc les أسماء خمسة كم أبي أخي وفي وغير ذلك. سي سم مضافة. علامة جرها الياء وما ياء. Que sur le livre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Amr ibn Hazm, que nul ne touche le Coran à part quelqu'un de purifié. Apporté par Malik Mursalan, les Mursal, il a été rendu mausoul par An-Nasa'i ou Ibn Hibban et les Ma'loul, c'est-à-dire qu'il contient des défauts. Et le cher jugé comme étant Hassan Bishawahidi. Qu'il y a d'autres ahadiths qui sont venus allant dans le même sens. طيب. فقال المسائل والأحكام المستفارة من الحديث. أولا مسألة مس المصحف على غير طهارة. Le fait de toucher le mushaf en étant, du moins sans être en état de purification. Quand on dit mushaf, c'est quoi qu'on veut dire par mushaf? Le livre qui contient Kalam Allah, le livre en soi. Dans le Coran, comme on a dit le Coran, c'est Kalam Allah, nafsi. Tamam? Wa Kalam Allah. Wa wasifatun min sifatillah, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah. Et zikra'nahu fattabi' Qur'ana. Comme que ta, le Coran, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on parle de l'objet contenant les feuilles et l'encre, taïb, ça s'appelle le mushaf. Donc faire attention entre la différence entre un Qur'an et un mushaf. Par exemple, tu peux pas jurer pour le seul mushaf. Mais tu peux jurer par le Qur'an. Que le Qur'an, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit que la plupart des savants, et parmi eux Shafi'i, Ahmed, Malik et les gens de la vie, c'est-à-dire les Hanafiya, qu'ils voient qu'il n'est pas permis de toucher le Mushaf sans être en état de purification. Et leur preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit « La yamassuhu illa al-mutahharun » quand même « La yamassuhu illa al-mutahharun » que nul ne le touche hormis les purifiés. Et également le hadith qu'on vient de prendre. Ibn Qudama, il dit qu'il connaît personne ayant un avis opposé à celui-ci hormis Daoud, je pense que Daoud c'est Daoud al-Zahiri, qui lui a permis de toucher le Mus'haf. Et l'argument de Daoud, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit, a envoyé un livre. Quand on dit un livre, Kataba fi kitabihi, c'est pas un livre comme les gens s'imaginent, genre avec la couverture et plein de feuilles dedans. Kitab, en arabe, c'est tout ce qui contient une écriture. Quand on dit kitab, ça peut être même une feuille. Deux feuilles. Et ça peut être des mujalladat, plein de volumes. Kitab, c'est la chose que tu as écrit. Sur laquelle tu as écrit. Donc dans cette lettre, on va dire qu'il envoyait à Qaysar, qui était un kafir, il y avait des versets. Tamam. Il y avait des versets. Ensuite, il dit, les réponses faites au dalil pris par la plupart des savants, c'est que déjà la parole d'Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun, lui ne le touche en mille les purifiés. Le tafsir de ce verset, c'est les anges qui sont visés. Ce sont les anges qui sont visés. Et quant au hadith, hein, la yamassuhu an la yamassa al-Qur'an ila tahirun, ce qui est voulu, c'est que le tahir, le purifié, c'est un terme mushtarik. On l'emploie pour différentes occasions. Ça peut être le mu'min, de façon générale. L'imada, l'anal mu'min, l'anjus. Le mu'min, il n'est pas impur. Également, on l'emploie pour celui qui est en état de purification, c'est-à-dire qu'il n'est pas en janaba, mais en état de hadith asrar. Également celui qui n'a pas sur lui de traces de najasa. La salaine, il n'a pas l'ovo, il n'est pas en najasa, mais sur lui, il aurait des traces de najasa. Lui, il faut qu'il se nettoie. Bah, si tu fais ça comme ça, ça n'est pas accepté. Donc c'est trois cas. Le croyant en soi, celui qui n'est ni en état de janaba, ni et ni qui a de hadith asrar, et ni celui qui n'a de janasa sur lui. Hein, qui a de najasa sur lui. Donc il y en a, ils voient que le côté moujmel de tahir, qui contient tous ces termes-là, on ne peut l'employer sur tous les termes que si ce n'est pas une chose qui l'éclaircit. Voilà ce que dit Shoukani. Donc lui, il voit le terme mu'min. Comme il l'a dit, ثُمَا سَدَلَا بِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ سَلَمْ إِنَّ الْمُسْلِمْ لَا يَنْجُسْ dans le hadith d'Abi Huraira. Et ça, c'est la parole choisie par Cheikh Al-Albani et Cheikh Mouqbil, rahmatullah alayhima. Après Cheikh Ibn Hizam, lui, il voit que le terme La yamas, on va aller comme ça, Al-Qur'an il est tahirun, que Dieu ne touche le Qur'an à part impurifié, que lui, il voit que ça concerne également la purification de l'ahdath al-asrar ou al-akbar. Car il voit dans les shawahid du hadith d'autres termes qui sont venus. Par exemple, dans une version, c'est venu avec le terme illa ala tuhur. La yamas al-Qur'an illa ala tuhur. À part en état de purification. Également, il est à la tuhur. Pas même à la tuhur, qui est le même sens. Donc lui voit que ces termes-là sont venus pour expliquer celui-là. Que tahir, d'autres versions du hadith, c'est shawahid, qui sont venus, pour démontrer qu'également que le sens de Tahira, c'est celui qui est en état de purification des minal hadath al-asghar wal akbar. Par contre, il dit qu'il est possible pour joindre le tout qu'en fait ce soit à la wajh al-istihbab, du côté recommandé. En prenant le hadith إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne m'a été ordonné de faire l'eau que si je vais accomplir la salat. Donc ce hadith, tamam, il vient pour démontrer que l'eau est obligatoire pour la salat. Donc en dehors de la salat, tu peux être sans l'eau, donc tu vas prendre le mushaf. Bien évidemment. Quoi qu'il en soit, donc là, Shir, il n'a pas vraiment mis son avis. Est-ce qu'il voit que, tu vois, il nous a perturbé un petit peu quand même. Parce qu'il appuie ceux qui disent que c'est, tu vois, ceux qui disent que tu ne le touches pas, à part en étant de purification. Quand même. Il explique, Tahir, ça veut dire quoi. Et après, au final, il vient avec ça. Il dit, Lakin yumkin an yuqal. Il est possible que l'on dise. Il n'a pas dit wakada. Donc là, il n'a pas fait tarjih, en apparent. Donc là, il nous a perturbé. Il y a quelqu'un l'aime, il te l'appuie, et après, il y a autre chose pour te dire que, mais peut-être que, tu vois. Sans dire, mais au final, peut-être que lui, il est mutaraddid dans la mas'ala. Peut-être qu'il hésite en lui aussi. Parce que c'est un khilaf, il est marlouf. Il est connu. Donc la première parole qui dit qu'il ne faut pas toucher le mushaf, à part en étant à la tahour, c'est le qawl de Cheikh al-Islam, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh al-Othaymin. Et également le Fawzan. Après, en se basant, et je crois aussi qu'il y en a qui voient que les Shawad, ils sont pas authentiques. Les Shawad qu'il a cités, là, je crois qu'il y en a qui les rendent pas authentiques. Wallah alam. Par exemple, cher Yahya, lui, il voit que tu touches celui qui est en Janaba ou Hadath al-Asrar ou la femme qui est Haïd. Ils peuvent toucher le mushaf. Donc, la'allahum yud'ifuna adil al-ahadith al-ukhra, al-riwayat al-ukhra. Là où les rendent faibles, je pense. Moi, c'est l'avis qui m'apparaît à la base, également. Que tu peux le toucher. Je vois Yannis l'istihbab, quoi. Mustahab d'être à la tahar. À la base, de toute façon. À la base, que tu touches le mushaf ou pas, c'est mustahab que tu sois à la tahar. Tayyib. Après, il dit. Si on considère qu'il n'est pas permis de toucher le mushaf, à part en état de tahara, avec trois masa'il. La première, هل يجوز حمل المصحف بعلاقة للمحدث. Est-ce qu'on peut porter le mushaf, par exemple, par une chose que l'on tient comme un sac? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct entre ta main et le mushaf. Par exemple, tu as un mushaf dans ton sac à dos, si tu as un sac à dos, ta sacoche, tu as une sacoche, un truc que tu transportes. Mais il n'y a pas de contact direct entre toi et le mushaf. Donc il rapporte des paroles du ulama. La permission. Qui voit la permission de cela. Et d'autres qui voient que non. Et il voit que la parole qui est la plus, c'est que sa permission. Car là-bas, c'est vrai que tu ne le touches pas. Tu ne le touches pas au moment où tu le transportes. Maintenant, si tu le fais avant, quand tu le mets dedans. Ou après, quand tu l'enlèves. Au moment où tu le transportes. Il se peut que tu étais en état de tahara, tu l'as mis dans ton sac, après en sortant, ahdasta. Par exemple, si tu es parti au hammam avant de sortir chez toi, ou tu as eu des gaz ou quoi, après tu le transportes. Tu peux le transporter. Pareil. Après, il dit, mas alatun, kutub et tafsiri ou al-fiqhi. Donc il dit, les livres de tafsir et de fiqh, qui contiennent des versets. Donc il dit, il rapporte une parole de Ibn Qudama qui voit la permission de cela. Car il était connu que les émissaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam apportaient des lettres à des koufars contenant des versets. Comme par exemple, Qaysar, comme on parlait tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoyait une lettre contenant des versets du Coran. Et cela ne s'appelle pas Mushaf. Vous voyez, ça ne s'appelle pas Mushaf. Ni Coran. Donc il est permis de toucher ces livres. Et certains voient justement le fait qu'il y ait des versets. Ils voient que c'est plus général. Car, où est la différence entre toucher le mushaf est inversé. Le tout est le kalam Allah. Il n'y a pas de quantité définie pour dire tu peux toucher un verset et pas par exemple tant de versets. Il n'y a pas. Quand on dit le Coran, c'est kalam Allah. Donc il y en a, ils voient que ces lettres envoyées au kuffar contenaient des versets. Tamam. Et que, comme on dit, de ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas d'alul qui dit que tu peux toucher un verset et pas 4 versets, 5 versets ou 7 versets. Il n'y a pas. Qu'ils soient inversés ou pas, ma falen, c'est un raskalam Allah. C'est un raskalam Allah. Un exemple, demain quelqu'un il vient, a'udhu billah, un musulman, yarted. Il piétine les mushaf volontairement. Sans contrainte. Volontairement. Il le piétine. Il sait ce qu'il fait. Il sait que c'est le mushaf. Il n'est pas sous la contrainte. Il le piétine. Il a mécréant avant cela. Vous voyez? Un mushaf entier. De mettre une feuille où il y a un verset seulement dedans. Il a cette feuille-là. Il y a un verset dedans. Il sait ce qu'il y a dedans. Il sait que c'est un verset. Il n'est pas sous la contrainte. Il le piétine. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Il a piétiné. Un support contenant la parole d'Allah. Que ce soit le mushaf ou même une petite feuille, même qui écrit le mot lors de Jalala, Allah, il le piétine volontairement, c'est ce que c'est, yakfur bidalik. Donc ça, c'est aussi un argument pour dire que mushaf ou verset, tamam, il faut un dalil qui démontre qu'il y a une différence entre les deux. Et dans le hadith, c'est Al-Qur'an, ma quoi le mushaf. Allah Ta'ala a'lam. Ensuite il dit mas'ala Adam al-ma'i ou Adim al-ma'i, celui qui n'a pas d'eau. Toujours dans l'hypothèse de l'interdiction de toucher le mushaf pour celui qui n'est pas en tahar. Tamam. Donc celui qui n'a pas d'eau, il rapporte par de beaucoup d'amas dans le Mourni. Il dit que si jamais il a besoin de toucher le mushaf et qu'il n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Tayammum. Par contre, il dit, s'il se contente de se laver, genre on a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, et il lave que quelques membres, par exemple, il se lave les mains et le visage et pas le reste, ça compte pas, ça. C'est où c'est Tahara Tamma, une purification complète, ou alors, rien du tout. Ama, tu fais nifs wudu, la moitié là, ça ne sert à rien, ça. Ça, c'est une toilette, c'est pas l'wudu. Ça sert à rien, ni pour la salade, ni pour autre chose. T'es pas tahir après cela. Donc c'est pareil. Donc tu fais tayammum. Tu trouves pas l'eau, tu fais tayammum. Ma foma là, tayyib. Quoi qu'il en soit, moi je suis, en ce qui me concerne, moi je vois que tu peux toucher le mushaf, mais il est mustahab d'être en tahir. Tayyib. Après il dit, Al-Hadithu Arabiya wa Sab'un. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. Selon Aïcha, qu'elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم se rappelait d'Allah en toutes circonstances. Il dit en toutes circonstances. Il évoquait Allah en toutes circonstances, rapporté par Muslim et mis mu'allaq par le Bukhari. Je ne sais pas comment traduire Mu'allaq. C'est quoi le hadith Mu'allaq? Tu te rappelles? C'est quand tu ne cites. Une fois, tu ne cites pas ton cher, mais une fois au Rawi. Aïe, le hadith, allazi Rawi, yuskid sheikhahu, fama fawqa. Celui qui rapporte le hadith, par exemple, il ne cite pas son cheikh de qui il l'a pris, ou plus que son cheikh d'autres. Par exemple, dans le Bukhari, souvent, dans des chapitres, on voit un hadith, il n'y a pas de sanad. Ça, c'est un mu'allaq. L'imam Bukhari, il a cité sans sanad. Ou des fois, ils sortent le sahabi. An ibn Abbas, on dit anhu, qu'al nabi, sallallahu alayhi wa sallam, kada kada kada. Ça s'appelle un mu'allaq, celui-là. Taïeb. Et il peut être faible, il peut être authentique. Donc il dit, An-Nawawi dans Charles Muslim, que ce hadith est un fondement dans la permission de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, comme le tasbih, le tahlil. Tasbih c'est quoi? Dire subhanallah. Le tahlil c'est quoi? Dire la ilaha illallah. Takbir c'est de dire Allahu Akbar. Tahmid c'est de dire Alhamdulillah. Et toute forme de rappel. D'accord? Quand toutes circonstances, du moins ça vient avec une précision, là-bas c'est que tu peux le faire sans être en état de purification. Tu peux faire des zikr même si tu n'as pas la tahara. Cela est permis avec ijma' des muslimin. Taïb. Après, le Nawawi, il cita dans le hadith de Ibn Omar qu'un homme passa alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'uriner. Il lui passa le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Il dit, qal ashabuna, nos partenaires, qui sont-ils? Il vise qui par là? Nawawi qu'on dit ashabuna. Ashabuna. Nawawi, c'est pas un sahab, il peut dire ashabuna. Les sahaba, il les a pas connus. Qui vise par là? Quand il dit ashabuna, nos partenaires, c'est qui? Les ashab de Shafi'i. Les madhab Shafi'i. Qu'il est détestable de saluer, passer le salam, à celui qui est occupé à accomplir ses besoins. Les grands, les petits. Et que si jamais il lui passe le salam, ça a été fait, alors qu'il est makrouh, détestable, à l'autre de lui répondre. Tout comme il est détestable pour celui qui est en train de faire ses besoins, de faire des zikr. L'évocation dans la spontanée. Parce que là, c'est même pas, il n'est pas en purification, c'est carrément, il est en train de commettre un acte, voyez, qui en soi n'est pas un moment de rappel. Et il dit, c'est pareil. C'est-à-dire, si demain tu fais, t'es en train de faire tes besoins, la yushammit el-artis, il dit pas, yarhamakullah, si quelqu'un dit alhamdulillah, s'il a éternué. Il ne dit pas ce que dit le muazzin, si le muazzin il fait l'adhan, il répète pas. Tamam. Et il ne vient avec rien du tout des afkar, au moment où il fait ses besoins. Et également, au moment où il a des rapports avec sa femme. Tamam. Au moment où il fait des rapports avec sa femme, ce n'est pas un moment où il doit faire des afkar. Il dit par contre, une parole qui va être reprise par la suite, si par contre, lors de cette situation, on dit qu'il éternue et qu'il dit l'hamdoulillah, tamam, qu'il le dise en lui-même sans bouger les lèvres. Et il dit que tout cela, c'est karahat tanzih, c'est une chose détestable, mais pas haram. S'il le fait, il n'a pas commis de péché. Tamam. Donc c'est-à-dire c'est demain que celui le fait, il n'a pas commis de péché, il n'a pas commis de péché, inshallah ta'ala. Après, s'il reprend par rapport à sa parole, le fait de dire Alhamdulillah en lui-même sans bouger les lèvres, il dit cette parole-là n'est pas correcte. Car le zikr, il a forcément, dans une prononciation, il y a des lèvres qui bougent. Donc le meilleur, qu'est-ce qu'il fait? Il attend de finir et après, il dit ce qu'il a à dire. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il dit, s'il a mis l'éternue, il finit de faire ce qu'il a à faire, après une fois qu'il a fini, il dit Alhamdulillah. Il dit Alhamdulillah pour avoir éternué. Pas Alhamdulillah parce qu'il a fini de faire ses besoins. Ou comme des fois ton aïrot, après il dit Alhamdulillah. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu au salam à ceux qu'il a passé le salam quand? Quand il a fini. Il a attendu de terminer, il est sorti, il l'a salué. Il lui a expliqué pourquoi. Il n'a pas rendu le salam. Tamam? Donc il dit le fait de Alhamdulillah sans bouger les lèvres, cela n'est pas valide. Tout que le tahmid, ou le tahlil, ou le takbir, ou le tasbih. C'est pas t'es comme ça, tu bouges pas. Quand il te dit, eh, je t'amène, tu connais où sabbih. Comment tu sabbih, on n'entend pas. On voit même pas tes lèvres bouger, on va dire. Il dit non. Là, c'est pas le zikr, les afkar, comme on dit. Là, c'est une méditation, peut-être. Mais les afkar, t'es au minimum, s'il n'y a pas de son qui sort, au minimum, tes lèvres bougent. Ça c'est l'azim. Sinon c'est pas du zikr qu'on va faire. Tamam? Tayyib. Comme qirat al-Qur'an, c'est pareil. La récitation du Coran qui te vaut la récompense d'avoir dit chaque lettre, c'est que même si on dit que tu es à voix basse, il faut que tes lèvres bougent. Ou ce que tu fais pendant la salat, à voix basse, il faut que tes lèvres bougent. C'est celle-là qui est valide, qui comptait. Hemt? Naam. Donc voilà. À la ders haqa l'yom. Wa inshallah. وإن شاء الله تعالى نحاول غدا نكمل كتاب أو باب نواقض الوضوء لما إن شاء الله بتعمل في الشابتر بإذن الله مفهوم والحمد لله رب العالمين